Anula. C'est l'intrépide, c'est l'intrépide. C'est l'intrépide, c'est l'intrépide. Ah, la brèche. L'intrépide, voilà mon blaze. En direct la cave ou mon case. Chénoz, lâche la pose à l'affût de la brèche. Je rôde parmi les branches, dors parmi les anges. Initial DL, langage professionnel. Marqué la tête aux pieds, soldat. Représente soldat et King Selassie. Timamaï, Maïpa, 974. Nos terres, nos temps, nos mères, nos mans. Fier d'être rayonné. Yabkaf, Malba, Malga, Chinoise, Arabe, Métissage, en brocal, Brille, Babylone, Caracor, sont nos phrasés. Pas de faiblesse, que des fortes têtes, que de la zèbre qui tourne dans nos becs. Respect envers les vrais et leur authenticité. Récit d'un mec couleur café au lait, alors que ça fait. Dans ma zone y'a pas d'uniforme, j'suis formel, disque formaté. Ouais, ouais. Pas de peur, nous rap sur solo style, hey. Braque tout le faux style, hey. La brèche nouvelle compile. C'est l'intrépide, c'est l'intrépide. Je saute sa tête. Pas de peur, nous rap sur solo style, yeah. Braque tout le faux style, la brèche nouvelle compile, ouais. C'est l'intrépide, c'est l'intrépide. Je saute sa tête. J'gravite, ouais. Et les cœurs palpitent, pile plate arrangée, vous dérangez, l'idée est en danger. Alors marche avec nous et crache dans la soupe. Révélation, révolution 2006, on vit au présent. On a l'âge de raison, une seule combinaison. Comme le disait DCHK, l'OVNIS présent. Bruce VDL, omniprésent. Coup de barre, le son claque, coup de force, verbal ou coup de crosse. Sur fat beat, on a capé la warmance. Pas de buzz donc, rap sur solo style. Braque tous les fossiles, il compile de plus, conçu dans un nouveau sas. Un colis pays que nous la laisse macérer. Mais maintenant faut le dévoiler, ouais. Allez dis partout que nous arrive, que nous veut vivre. Paname, jungle urbaine, envahie d'âmes sensibles. Être humain civilisé, on est tous semblables. Mais sans blague, l'œil vide comme mon esprit s'évade. L'œil rouge comme mon joint vide. Et à travers les sentiments, hey, j'kiffe le son gentiment. Pas de peur, nous rappe sur solo style. Braque tout le faux style, la brèche nouvelle compile. C'est l'intrépide, c'est l'intrépide. Pas de peur, ton rap sur solo style, ouais. Braque tout le faux style, ah. La brèche nouvelle compile. C'est nouvelle compile, c'est l'intrépide. Sonne sa caisse. Pas de peur, ton rap sur solo style, braque tout le faux style, la brèche nouvelle compile. C'est l'intrépide, c'est l'intrépide. Sonne sa caisse. Pas de peur, ton rap sur solo style, braque tout le faux style, la brèche nouvelle compile. C'est l'intrépide, c'est l'intrépide.